sponsor ta manche et Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. T'as les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans sponsor ta manche et Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. Les portes, c'est gore, c'est mort, ça se corse. J'apporte en force ma pose mortelle qui s'impose dans ce bordel peu cordial dans un état post-mortem. Ça se tape des cons, si t'as de la bombe, direct ça part en tag. Maintenant, à force d'être seul, les 14 février, je fais de la Saint-Valentin. J'emmerde la bourgeoisie qui se fout du 4 lira, qui pendant que dans les barges pillards se trimballe sur les champs dans une Cadillac. Moi j'en ai marre, les rêves s'écroulent, ça m'empêche pas d'encaisser les coups. De voir que les coups sont pires que le blues, sont pleins de dégoût. En manque de flouze, l'état veut nous pâlir. La lune est aux élites, y'a beaucoup de croyants chez moi. Depuis que la tise est devenue l'eau bénite, autant plus rire. Encore un verre, et c'est le drame. Si la route tourne, dis-moi pourquoi ma ville perd les pédales, c'est d'une bassine. A force d'avoir la tête de dangle, je vise de l'étang, mais je suis dans les dents. Je n'ai pas de détente, on se mange, on décroque, on le vise, se décampe. Pas de quoi se détendre, arrêtez de prétendre que les flics sont détendre. Car la tise et la tise et la crise que j'applique ma rime, c'est que l'état se mange des trempes. Là les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans ce monde, certains mangent chez Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. Là les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans ce monde, certains mangent chez Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. Libre ego, ça c'est des foutaises. Je regarde autour de nous et je vois qu'ils font en sorte que tout se taise. Alors on cherche un bout de pèse, mais c'est dans le shit des bouteilles qu'on y retrouve toute la paix pour une paire à poubelle. Donc on manque pas de tout perdre, tout perdre. Car l'envie n'est pas toute belle, mais t'en viens foutaise. Ça t'emballe, tu t'emballes et puis t'emballes à coup de pelle. Je sens qu'on fausse la plaie, mais faudra que tu payes. Paraît que tous les chemins mènent à Rome, pourtant souvent j'arrive à rien. Je compte pas me rendre à l'évidence, j'ai déjà rebroussé chemin, manqué du sens. Et même celui de l'orientation. Donnez-moi ma chance, pas un ticket d'euro million. Là on me dit que la roue tourne, je ne vois qu'un cercle vicieux. À force de bien me conduire, j'ai dû casser mes essieux. Le temps c'est pas que d'argent, même si le temps nous est précieux. Le temps nous est compté, tout ça crée des contentieux. Pas des comptes en Suisse, je paye pas content, je fixe le montant qui me fuit sur mes escomptes fines. Là les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans ce monde certainement chez Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. Là les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans ce monde certainement chez Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. Je pourrais bien faire avec le temps qui me reste, m'enferme, mais je gratte avec finesse. Je pourrais peut-être finir ces dentaires avant qu'il me reste ma prothèse dentaire. L'état dentaire avant de voir le jour, c'est d'arrondir soir. Dans le brouillard d'un gros sport, trop tentatif. Faut qu'on attendir, je reste attentif quand t'as monté à fond. Quand c'est le jour de paye, c'est lamentable de voir que tout mon fric part dans des bouteilles. Quand les coups ils se referment pas le temps de prendre un dernier bol d'air. Ouais c'est le bordel, ras le bol d'être à terre. Dans ce point je lâche la coupure. Trop de gens contestent à tort mais sème la peur. On attend le pire, les autres procèdent à terre. Devant le créateur, je m'inspire pour pas qu'on me quitte le manque de liquide. Nous tape au crâne, on match à dit faire gaffe aux femmes. Ici trop de gars s'enflamme, c'est pour ça que je reste crête pour pas qu'on crame. Ma pince comprime, car toujours pas compris. Pourquoi comme un con je stream dans un cauchemar aussi pour tenir. Mais crois pas qu'on sniff, c'est difficile d'éviter les petits. J'écoute plus que les députés. Ça croit que la fin du monde c'est pour 2010. Le cul perdu entre deux chaises avec une tête qui me rend à chaise. On m'aime le même qu'on va chaque jour pour avoir quelque chose dans nos assiettes. Mais je suis du père, mon père s'énerve quand il me parle du taf sévère. Je persévère, défaire les défaites car dans ma tête c'est grave désert. Y'a plus de rêves et ni d'étrennes et merde, je vous emmerde tous. De l'autre côté de la cour, bienvenue dans un décor. On brouille les portes, enfonce les portes, avance les portes jusqu'à la cour d'école. Depuis des lustres, on rame, écrit nos traces sur des tas de feuilles en vrac. On craque sans entraque, les mises s'écartent, mais pas des racles. Les crashs effacés d'art ici, un monde où l'amitié se fait rarissime. Avec un compte qui rivalise l'anorexie. Là les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans ce monde certainement chez Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise. Là les traces d'un passé qui me ronge, bien pire que le cancer. Dans ce monde certainement chez Maxime, c'est tous contents d'une boîte de concert. Faut qu'on se concentre, faut qu'on se concerte. T'es tout conscient de tout ce qu'on perd, ça me rend aigri. J'entends des cris, j'affiche, j'écris, j'décris la crise.